Paganini à Bassano, par Pitre Chevalier. Est-il bien mort, cet homme ou ce démon qui s'appelait Paganini? S'il n'est pas mort, d'où vient qu'on en dit plus de mal? Et s'il est mort, d'où vient qu'on n'en dit pas un peu de bien? Hélas, il faut qu'il ait véritablement quitté ce monde, puisque ce monde ne fait plus silence pour l'écouter. Les indices qu'il est remonté au ciel, dont il avait entrevu les cœurs séraphiques. Les autres prétendent qu'il est redescendu aux enfers, d'où il était sorti armé de son violon. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est perdu pour notre planète. C'est que les millions qu'il aimait tant sont passés en d'autres mains. C'est que l'instrument qui contenait son âme aura été acheté à l'encon par un Anglais. Et depuis ce moment, la mémoire de ce prodigieux artiste s'est effacée comme celle du plus misérable histrion. Ô fatale et cruelle destinée des acteurs! Tant que celui-là était debout, son arche à la main, il a fait envie au roi qui porte le sceptre. L'or a plu dans son coffre-fort, les couronnes sur sa tête et les hommages à ses pieds. L'univers entier l'a écouté à deux genoux. Il expire tout à coup dans un coin de l'Italie et voilà qu'il n'en est plus question. Sa renommée, sa gloire et son nom meurent avec le dernier son de cet archet miraculeux. Où sont ses œuvres? Où est sa statue? Qui a fait sa biographie? Quelle sera sa place dans l'histoire? Que reste-t-il de lui, enfin? Une caricature qui fera dire à nos petits-enfants, si elle arrive jusqu'à eux, « Il y avait une fois un homme qui ressemblait au diable et qui jouait admirablement du violon. Voilà tout. Heureux les artistes qui, comme Phidias, Raphaël ou Virgile, laissent sur le bronze ou sur la pierre, sur la toile ou sur le papier, le cachet impérissable de leur génie. Malheureux ceux qui, comme Talma ou Paganini, placent leur âme dans un instrument ou dans un organe, dont le son finit avec leur dernier soupir. Les premiers portent souvent leur croix jusqu'au bord de la fosse, mais ils sont sûrs de ressusciter immortels. Les seconds reçoivent leur récompense de leur vivant, mais ils descendent tout entiers dans la tombe. Et cependant, quelle histoire curieuse à faire que celle de Niccolo Paganini, de cet homme sorti on ne sait d'où, qui captiva 10 ans l'Europe, en frottant un crin sur une corde, de cet homme qui refusait un coup d'archet aux pleurs de la misère, aux cris de détresse des incendiés, à l'appel d'une femme sur son lit de douleur, et qui envoyait 20 000 francs à un de ses confrères avec sa carte de visite, de cet homme aussi décharné que la mort, aussi laid que le péché, aussi sombre que l'enfer, et qui fascinait ses plus jolies élèves, comme la sirène de Charybde, pour les dévorer comme le minotaure de la Crète, de cet homme qui ne pouvait vivre et mourir que par son violon, qui dépensait une année d'existence toutes les fois qu'il en jouait une minute, et qui, au lieu de finir noblement au bout de son dernier concert, comme le rossignol au bout de son dernier chant, mettait une sourdine à cet instrument divin et s'éteignait, enfermé dans la chambre, au bruit de ses avares mélodies. De cet homme, enfin, qui était un problème jusqu'après sa mort, et que ses héritiers ont fait voir embaumé dans une cage, redemandant à son cadavre l'or que leur avait dérobé son violon. En attendant que Nobel Hoffman dote le monde de cette fantastique épopée, en voici un épisode qu'on tient de bonnes sources et qui pourrait donner la mesure du personnage.